Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Cœur de l'Asie, sur les voies stratégiques de la route de la soie, entre Chine, Inde et Méditerranée, l'Afghanistan est assurément une terre pour archéologues. Le musée Guimet, musée des arts asiatiques, lui consacre d'ailleurs une grande exposition, Afghanistan, ombre et légende, consacrée à un siècle de recherche, notamment française, puisqu'en l'absence de tout intérêt et enjeu politique, le roi Amanullah fit appel à notre pays en 1922 pour l'organisation de l'archéologie dans son pays. La délégation archéologique française en Afghanistan était née. Pour saluer cet anniversaire, mais surtout percevoir les enjeux passés et présents, comme bien entendu les extraordinaires découvertes afghanes, nous sommes rendus dans l'exposition pour retrouver Nicolas Engel, conservateur en charge des collections Afghanistan et Pakistan du musée Guimet, et Philippe Marquis, directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan. J'ai demandé à Nicolas Engel si les collections afghanes du musée Guimet et donc de cette exposition étaient issues de cette collaboration franco-afghane et donc de cette fameuse délégation. Effectivement, elles viennent directement des fouilles menées par la DAFA. Il faut savoir qu'en fait la convention qui fonde cette DAFA en 1922 prévoyait le partage de toutes les découvertes archéologiques faites par la DAFA à part égale entre la France et l'Afghanistan, à l'exception des pièces exceptionnelles qui restaient afghanes. Et l'or, vous avez raison. Ce partage s'arrête dans les années 50 ? Alors le partage est officiellement aboli par la loi sur le patrimoine de 1982, mais c'est vrai que dans les faits, à partir des années 50, cette clause du partage est progressivement abandonnée. Mais vous avez une politique de dessin, de moulage, qui permettent d'avoir aujourd'hui des éléments qui n'existent plus, c'est ça ? Alors, le projet d'exposition, à l'origine, devait se faire en étroite collaboration avec le Musée national d'Afghanistan. Et des prêts étaient prévus. On n'a pas eu le temps de mener à bien cette opération. Mais les collections afghanes, enfin du musée de Kaboul, sont évoquées dans l'exposition par le biais des photographies ou de moulages. Effectivement, la DAFA a pu réaliser en 1934 le moulage de différentes œuvres. Je pense notamment au dieu Surya de Rayrané, œuvre qui, à Kaboul, a disparu depuis lors des conflits. En revanche, en 2006, vous aviez des objets de l'expo qui venaient de Kaboul, c'est bien ça ? En 2006, la situation diplomatique était différente. France et Afghanistan conversaient, échangeaient. Donc effectivement, l'idée de 2006 était vraiment de montrer ces trésors qui avaient été cachés par l'équipe du musée pendant les 20 ans de conflit. Donc c'était l'occasion vraiment de montrer à Paris les collections de Kaboul. Philippe Marquis, la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, c'est aujourd'hui un siècle de recherche, c'est aussi un étonnant monopole archéologique. Je dirais que c'est un premier siècle de recherche, c'est un monopole tout à fait exceptionnel, parce qu'effectivement, c'est une chose auquel on n'a pas l'habitude maintenant, d'avoir une exclusivité sur un pays. C'est un monopole, comme l'a rappelé Nicolas Engel, qui a pris fin à la fin, pour la fouille, donc dès les années 45, et pour le partage, donc dans le courant des années 50. Mais remarquable, puisque c'est un geste qu'a fait le roi d'Afghanistan au moment de négocier cette convention, et qui est une faveur exceptionnelle, de dire, eh bien, il n'y a que les Français qui travailleront sur le patrimoine afghan, en tout cas pour le début du XXe siècle. Comment se déroulent les premières campagnes, Philippe Marquis, qui est le premier directeur ? Un spécialiste de l'Afghanistan ? Non, probablement pas. C'est un spécialiste du bouddhisme et de l'art bouddhique, Alfred Fouché, qui est un remarquable chercheur, qui a écrit probablement une des meilleures biographies de Bouddha, la vie de Bouddha, comme son nom l'indique, et qui malheureusement n'était pas un archéologue de terrain, même s'il était confronté à des opérations de terrain en Inde, puisqu'il avait beaucoup travaillé avec l'Archaeological Survey of India. Envoyé en Afghanistan pour débuter des fouilles, on le sent à ses publications, mais aussi à ses écrits, hein, sa correspondance publiée par Annick Fenet, on sent qu'il est un petit peu perdu face à ce terrain qui est tout sauf ce qu'il attendait. Ce sont des terrains assez difficiles, on ne peut pas se rendre absolument partout. On le voit avec la difficulté qu'a eu d'abord Alfred Fouché à partir de Kaboul, hein, ce qui a fait d'ailleurs jaser pas mal de gens à l'époque. Et puis on le voit aussi à la durée. Il a fallu plus de 6 semaines pour qu'il puisse rejoindre Bactre dans le nord de l'Afghanistan en partant de Kaboul avec un empruntant les pistes tortueuses d'Afghanistan, traversant les montagnes à dos de cheval, sa femme l'accompagnant dans une litière soigneusement aménagée pour se faire. Bactre, c'est bien entendu la mère des cités, la ville qu'il faut à tout prix fouiller, là où il faut vraiment entreprendre des recherches, puisqu'elle représente l'expansion d'Alexandre le Grand, des Macédoniens et de l'hellénisme en Orient. Alfred Fouché, donc, s'y rend immédiatement. Bactre, c'est pour tous les savants qui s'intéressent à l'Iran, à l'Afghanistan, c'est un symbole. C'est le lieu où a vécu Zarathoustra, c'est, comme vous l'avez rappelé, une capitale d'Alexandre, en tout cas un de ses séjours, c'est l'endroit où il épouse Roxane, c'est l'endroit où effectivement il manque d'être assassiné. Puis pour l'époque plus récente, c'est aussi un endroit chargé d'un passé islamique, en particulier avec les grandes figures soufies comme celle de Jamal ed-Din Rumi. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut aller et l'endroit qui fait rêver. Nicolas Engel, c'est assez intéressant de voir tous ces chercheurs qui connaissent parfaitement la littérature, qui ont lu donc les textes antiques, mais qui n'ont aucun savoir sur le terrain. Alors, l'archéologie des années 20 n'est pas celle d'aujourd'hui, les techniques ont évolué. La DAFA, d'ailleurs, à Bactre, va revenir à différentes périodes en essayant des techniques nouvelles, notamment la stratigraphie, dans les années 47-50. Et puis la prospection aussi se met en place. Donc, la connaissance du territoire s'affermit, s'affine au fur et à mesure des fouilles. Et c'est vrai que les fouilles à Bactre des années 2000 ont bénéficié de toute une connaissance qui s'était accumulée. Grosse déception pour ce spécialiste de l'iconographie bouddhique, car en fait, il n'est absolument pas prêt et il ne trouve pas donc la fameuse Bactre hellénistique. Voilà, il espérait trouver au moins des monuments, il espérait trouver des pierres, il espérait trouver des chapiteaux, des colonnes, enfin tout ce qui l'aurait mis sur la piste d'une fondation de construction grecque, de cette trace d'Alexandre qu'il cherchait désespérément. Il s'est consolé en travaillant malgré tout sur des monuments très importants, comme par exemple le stupa de Topé Roustam, qu'il a identifié justement comme étant le stupa, c'est-à-dire la chapelle principale du grand temple bouddhique du Nobahar, qui était connu par les textes à la fois arabes, persans, mais aussi chinois, qui était connu comme étant un des plus importants monuments bouddhiques d'Afghanistan. Donc déçu. On le voit après 18 mois de campagne. Au fil de ces lettres, encore une fois, je ne saurais trop encourager les auditeurs à lire cette correspondance. On y trouve tout, les espoirs, les désespoirs, les satisfactions, les insatisfactions, et puis le constat définitif, il n'y a rien à trouver à Bactre. Les Bactriens n'ont pas su générer, n'ont pas su créer une civilisation comme ils l'espéraient. Bactre est une sorte de mirage bactrien. Tout devrait y être, mais les archéologues ne trouvent rien. Même Schlumberger s'y casse les dents en 1947. Il faut attendre 2003 pour que Roland Besenval et Jean-François Jarry, ancien président du musée Guimet, retournent sur le terrain. Alors Schlumberger était déjà un peu mieux armé sur le plan méthodologique qu'Alfred Fouché. Et donc du coup, il entreprend une campagne systématique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant d'entreprendre cette campagne systématique, il prend les conseils d'un archéologue britannique éminent, Sir Mortimer Wheeler. Et en fait, il lui demande conseil en lui disant « comment il faut que je prenne ce site ?» Et en fait, Sir Mortimer Wheeler lui a donné des instructions et des directives ou des directions d'études tout à fait pertinentes. Donc, il a essayé de voir un peu partout ce qu'il y avait. Mais au bout de plusieurs années de travail, même si c'était que quelques mois par an qui étaient travaillés, il en vient à la conclusion qu'il faudrait des moyens plus importants et peut-être une autre méthodologie pour vraiment trouver ce qu'il cherchait, c'est-à-dire des vestiges de passage d'Alexandre, des vestiges de cet hellénisme bactrien, de cet hellénisme d'Afghanistan. Et il faut attendre, comme vous l'avez rappelé, 2003, et puis la première visite alors de Jean-François Jarige et de Roland Besenval sur le site de Bactre pour qu'enfin soit trouvé ce que Alfred Fouché et Daniel Schlumberger avaient vainement espéré trouver, c'est-à-dire des colonnes, des chapiteaux corinthiens, des bases attiques et ioniques, donc tout ce qui était la trace de ce qui devait être la splendide ville de Bactre hellénistique. C'est sur la colline des Orfèvres que vous avez retrouvé les prémices de la ville grecque du IVe siècle avant notre ère, et cela malgré les pilleurs et les galeries souterraines qui mitent le site. Alors je dirais à la fois malgré et grâce à, parce qu'en fait, ce qui a relancé la recherche sur le site de Bactre, c'est justement les découvertes des pilleurs, qui ont en fait, en quelque sorte, confirmé que l'idée de travailler en particulier à Tepez Argaran était la bonne idée, puisque c'est à cet endroit que probablement en 1995, eh bien, les pilleurs ont découvert ces fameuses colonnes, ces fameux chapiteaux que Roland Besenval allait redécouvrir en 2003 et à partir desquels il avait monté donc une campagne de fouilles qui a commencé en 2004 et qui a permis effectivement de comprendre qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'était passé, mais aussi de faire un constat. Le site avait été considérablement endommagé par l'activité des pilleurs. Qu'est-ce que les pilleurs avaient trouvé ? Il est probable qu'une grande partie de la statuaire qui a été trouvée au moment des pillages a disparu. On en a quelques traces, on a des photos d'objets qui ont circulé sur le marché international et qui visiblement venaient de Bactre. Donc en fait, c'est comme dans tous les cas où il y a pillage, il y a une perte d'informations considérable et surtout donc des atteintes irréparables apportées au niveau archéologique et aux vestiges qui s'y trouvaient. Alors que sait-on désormais de la ville de Bactre ? Quels ont été les résultats de ces fouilles archéologiques ? Ce qu'on sait déjà, c'est que les occupations, d'abord, remontent bien avant la période grecque, puisqu'en fait, on a des traces qui vont jusqu'à l'âge du fer, c'est-à-dire la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On a une occupation très importante à l'époque achéménide, c'est-à-dire aux alentours des 7e, 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Et puis, effectivement, une occupation très importante d'époque hellénistique, qui ensuite est recouverte en quelque sorte par toutes les occupations postérieures d'époque kouchane, c'est-à-dire globalement du 1er siècle avant Jésus-Christ et allant jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, et puis donc toutes les périodes post-kouchane, c'est-à-dire kouchano-sassanide, heftalite, et puis jusqu'à l'arrivée de l'islam, puisque dès le 7e, 8e siècle, Bactre est ce qu'elle a toujours été, une métropole extrêmement importante le long de la route de la soie, le long des grandes routes commerciales qui travaillent toute cette zone. Et donc, comme telle, elle est réinvestie par les sultanats musulmans qui s'installeront dans la région. Bactre, c'était bien sûr une ville fortifiée. Elle était déjà fortifiée à l'époque hellénistique. Vous en avez retrouvé des murs ? Ce dont on est sûr, c'est qu'elle est fortifiée dès la période achéménide. On a des grands fossés, probablement même donc quelques petites traces, parce qu'effectivement, il ne reste pas grand-chose de murs qui sont faits de briques crues. Mais ce qui est très important, c'est et ce qui est encore toujours très visible, c'est les fortifications de l'époque kouchane, donc 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, puisqu'on a encore conservé. Alors, tout n'est pas kouchane, mais on a une fortification qui est conservée sur pratiquement une quinzaine de kilomètres de long, délimitant un espace qui fait à peu près 7 kilomètres de long pour 4 kilomètres, 5 kilomètres de large. Donc c'est considérable, avec des élévations des murailles qui parfois atteignent jusqu'à 7 ou 8 mètres. Partons donc pour le nord-est de l'Afghanistan et une autre ville, la Dame Lune, Aïranoum, cité de plus de 200 hectares, la première ville hellénistique jamais fouillée en Afghanistan. Aïranoum, en fait, est découvert en 1926, accidentellement par Jules Bartou, quand l'on envoie faire un tour, une prospection dans le nord, puisqu'il est, lui, dépité par ses fouilles à Ada et par les destructions qui sont faites par les villageois de tout ce qu'il fouille. Lui identifie le site, pas forcément comme hellénistique, mais comme un site potentiellement à fouiller. L'histoire, ensuite, raconte qu'il faut attendre que le roi Zahershah, en 61, aille y faire une partie de chasse et qu'on lui montre des blocs de pierre, certainement des chapiteaux à feuilles d'acanthe, qui sortent de l'ordinaire. Donc il revient à Kaboul, il en fait part à Daniel Schlumberger, qui est le directeur de la DAFA à l'époque, et qui va décider d'y entreprendre les fouilles, ces fameuses fouilles de 64 à 78. Et c'est vrai que Aïranoum est ensuite très lié à la personne, à l'image de Paul Bernard, qui va devenir le directeur de la DAFA de 65, à partir de 65. Aïranoum, c'est une ville hellénistique, donc on y retrouve des temples, enfin on y retrouve un gymnase, on y retrouve un théâtre, mais on y trouve aussi d'autres bâtiments plus locaux, par leurs matériaux, briques crues ou parsa, avec des plans un peu plus iraniens, plus Asie centrale, pas forcément directement influés de la Grèce classique. Une sorte de syncrétisme ? Exactement, que l'on retrouve aussi dans les œuvres. C'est ce syncrétisme en fait, qui est la marque de cette hellénisation, de cet Orient hellénisé, des confins, là, en fait, si vous voulez, de l'Orient hellénisé. Eranoum, c'est bien sûr une acropole, c'est un complexe palatial, un théâtre, un gymnase, deux temples, l'œuvre bien sûr de colons macédoniens. Elle est abandonnée par sa population en 175 avant notre ère. Pourquoi ? Il se trouve que, au cours du 2e siècle, 1er siècle avant notre ère, d'autres populations arrivent, provenant du nord de cette Asie centrale, et donc petit à petit vont pousser ces héritiers d'Alexandre vers le sud. Donc c'est effectivement les royaumes gréco-bactriens vont petit à petit donner naissance à Indo-Grec, Indo-Scythe, etc. Et ces héritiers d'Alexandre vont se retrouver poussés jusqu'à atteindre le Gandhara et le Pakistan actuel. Dans votre exposition, là vous avez des objets. Pour l'art du Gandhara, effectivement, puisque c'est lié aux explorations et aux fouilles de la Daffa des années 20 à 50. Ada, effectivement, avec cette école de modelage que l'on attribue au 3e, 4e siècle, mais en fait le site est occupé jusqu'au 7e siècle, comme l'ont montré les fouilles afghanes ensuite de l'Institut d'archéologie, professeur Mostamendi puis Tarzi. On a les monastères de Kaboul et de Kapisa, donc Chotorak par exemple, Paitava, Karacha. Donc tous ces monastères bouddhiques sont représentés dans l'exposition. Carbone 14, Vincent Charpentier. Mai 2001 est marqué par la destruction de deux Bouddhas colossaux. Curieusement, ceux-ci avaient perdu toute connotation bouddhique depuis la conquête de l'islam, c'est-à-dire entre le 9e et 10e siècle. Alors, la conquête de l'islam en Afghanistan est un sujet en soi. Il n'y a pas de conversion automatique et systématique qui est en bloc, en tout cas de la population. Ça s'est fait en fait par le biais d'expéditions militaires à partir du 7e siècle. Et petit à petit, effectivement, la population va se convertir. Pour Bamiyan, on pense qu'il y a une occupation bouddhique jusqu'au 10e, 11e siècle. Peut-être pas la vallée de Bamiyan même, dans les vallées latérales, Foladi ou Kakrak. Alors, c'est vrai que la nature bouddhique, en fait, des sculptures, des grottes, avaient été perdus et ces deux Bouddhas monumentaux étaient devenus en fait des héros protecteurs de la vallée, Salsa et Shamana, le héros et sa femme. Et il faut attendre le 19e siècle, les explorateurs, voyageurs, un petit peu espions, liés à la Compagnie des Indes orientales, qui retraversent l'Afghanistan pour que la nature bouddhique de ces deux colosses soit reconnue. Et puis, la croisière jaune y passe avec un archéologue qui deviendra d'ailleurs le directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, Akin. Akin, bien entendu, qui est celui qui commence et recommence à travailler de façon vraiment scientifique sur les Bouddhas de Bamiyan, qui réalise des relevés en compagnie de son architecte Jean-Carles, et qui surtout réalise ces magnifiques reproductions des fresques qu'on voit aujourd'hui au musée Guimet, qui sont présentées dans l'exposition, et qui sont des témoignages tout à fait intéressants, dans le sens où, pour beaucoup, ces fresques ont disparu. Alors, il y avait eu déjà une première campagne de reproduction des fresques entreprise par le prédécesseur de Akin, si je puis dire, André Godard, et donc avec déjà de très belles reproductions des peintures faites par Yeda Godard, la femme d'André Godard. Donc on dispose avec ses premières études scientifiques et après les collectes qui ont été faites par le biais effectivement de ces fresques, d'une documentation exceptionnelle sur ce site qui révèle d'une part la richesse de son passé bouddhique, mais aussi qui montre les influences d'autres traditions religieuses, en particulier la magnifique représentation de Mitra qui était dans une des niches des Bouddhas, dans la niche du grand Bouddha. Et cette représentation de Mitra représente Mitra comme donc une divinité solaire, puisque selon la tradition avestique, eh bien, le dieu Mitra s'élançait sur son char tiré par des chevaux blancs du haut du mont Caucase, ou l'équivalent du mont Caucase, c'est-à-dire du haut des falaises de Bamiyan, et avec son char solaire, eh bien, il éclairait le monde. Mitra est bien sûr le sacrifice du taureau. Tout ça a été, semble-t-il, dynamité. Les grottes ont été aussi dynamitées dans la foulée avec les colosses. en 2001, et effectivement, le patrimoine afghan a souffert, que ce soit au musée de Kaboul et à Bamiyan. C'est l'image qu'on a gardée, diffusée, filmée par les talibans, et puis répandue à travers le monde. Les bouddhas, effectivement, ont explosé, les peintures murales des niches aussi, mais les quelques milliers de grottes qui sont là percées, aménagées dans la falaise de Bamiyan, ont aussi, elles, été visitées. L'exposition, en fait, en rend compte à travers une photographie prise par Pascal Convert d'une des grottes, celle qu'on appelle aux semelles de chaussures ou semelles Nike. Les peintures qui devaient représenter des bouddhas, bodhisattvas, en fait, ont été recouvertes de suie volontairement. Et ensuite, les talibans ont balancé leurs chaussures sur les plafonds et sur les murs afin de symboliquement piétiner ces figures bouddhiques. À 60 km au nord de Kaboul se dressait la cité de Begram, transformée en base militaire sous l'occupation soviétique des années 80, puis réoccupée bien sûr par les Américains. Begram, ce sont des fouilles et un trésor tout à la fois hellénistique, indien et de l'Orient romain. Alors vous pouvez dire aussi chinois, puisqu'il y a des lacs. Alors Begram, c'était un grand projet de Joseph Akin. Il lance des fouilles en 1936. Son idée est de faire un petit peu comme Ataxila, fouiller une ville entière. Mais la DAFA va se retrouver un petit peu bloquée avec la découverte de ce trésor. Le trésor, en fait, c'est une cache. Il s'agit de ces objets de provenance et de matériaux divers, donc les lacs chinois, mais les ivoires d'ateliers indiens, pour lesquels nous n'avons pas d'équivalent connu pour cette période, donc pour les premiers siècles de notre ère, excepté un manche de miroir découvert à Pompéi, des verres peints ou des corps sculptés que l'on retrouve dans tout le Proche-Orient méditerranéen et en Égypte, ainsi que des petits bronzes et des plâtres à l'iconographie hellénistique ou gréco-romaine. Donc cette cache, en fait, montre l'importance de Begram, alors non pas peut-être comme capitale du royaume de Kapisa dont parle un pèlerin chinois du 7e siècle, puisque le bâtiment dans lequel ce trésor a été trouvé n'était pas vraiment un palais, mais en tout cas montre Begram comme au carrefour de routes commerciales, alors route de la soie, mais c'est aussi les routes du bouddhisme. Begram, voilà, comme un capable, en fait, avec une population ou certains marchands capables d'entretenir des relations à distance aux quatre coins de la planète connue alors. Le tout date visiblement du 1er et 2e siècle de notre ère. Les ivoires, bien sûr, seront partagés. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous les présentez pour partie dans votre exposition. Alors, c'est vrai que les ivoires font sensation. Ils ont été là nettoyés, restaurés à l'occasion de l'exposition. Il faut savoir que ce ne sont finalement là que la moitié des ivoires découverts, puisque l'autre moitié a été attribuée à Kaboul et y est restée, si elle n'a pas été détruite. Les ivoires sont exceptionnels. Alors, exceptionnels à différents titres. Le travail est exceptionnel, travail de gravure, travail de sculpture. Ce sont des ivoires d'éléphant, donc il y a quantité de défense sur nos panneaux. Par l'iconographie aussi, puisque c'est une iconographie quasi exclusivement féminine, notamment de femmes sous ce qu'on appelle un torana, qui est une architecture particulière, mais surtout je pense aux scènes de femmes à la toilette que l'on trouve sur de grandes plaques, et c'est cette iconographie en fait qui a fait sensation, et c'est pour ça qu'on la retrouve sur l'affiche de l'exposition organisée ici au musée Guimet en 1938. Philippe Marquis, l'archéologie s'est ouverte à d'autres nations. L'équipe allemande, dirigée par Ute Franke, a par exemple fouillé la ville d'Herat. L'équipe allemande a fouillé la ville de Herat, mais auparavant, en fait, dès 1945, le monopole français avait été un peu écorné, mais de façon très, très pacifique et très collaboratrice, puisque effectivement, c'était le souhait aussi de Schlumberger de voir d'autres partenariats que cette espèce de tête-à-tête afghano-français. Donc les Américains arrivent 47. Ensuite, à partir de 57, les Italiens qui font leur première mission. Les Anglais fouilleront à Kandahar dans les années 70. Les Japonais travailleront principalement sur des chantiers de restauration à Bamiyan à partir des années 70 aussi. Et puis les Soviétiques s'intéresseront au nord de l'Afghanistan pour des raisons à la limite à la fois scientifiques mais aussi de proximité géographique. Ils n'avaient qu'un fleuve à traverser, la Moudaria, pour pouvoir travailler. Et c'est là où ils feront leurs plus grandes découvertes, dans le nord de l'Afghanistan, près de Bactre, dans cette Bactriane qui faisait rêver déjà Alfred Fouché et rêver ses prédécesseurs, dans lequel ils feront un travail tout à fait remarquable. Il était signalé aussi, on a mentionné tout à l'heure le site d'Ayranoum, et bien que lors de certaines campagnes de fouilles à Iranoum, des archéologues soviétiques se sont joints à l'équipe de Paul Bernard, preuve, s'il en était, qu'effectivement les collaborations marchaient bien, au moins jusque dans les années 70-80. Philippe Marquis, reste Messénac et son gisement de cuivre exploité par la Chine. Ces sanctuaires et ces fouilles, vous y fouillez encore récemment ? Alors, en fait, on a commencé cette opération en 2009 en collaboration avec le collègue de l'Institut d'archéologie d'Afghanistan. Nos collègues afghans ont pu y travailler jusqu'en 2019. À partir de 2019, la situation dans la région s'est dégradée à un tel point qu'il était plus envisageable de pouvoir maintenir des équipes sur place. D'ailleurs, un de nos collègues, Abdelwahab Ferozi, est mort d'ailleurs, victime d'une explosion d'un engin explosif improvisé en se rendant sur le chantier. Ce qui reste, c'est un site. Encore une fois, l'Afghanistan est un pays des emphases. En fait, c'est un site extraordinaire. C'est 4 km² d'archéologie, 4 km² de monastères bouddhiques, de constructions liées probablement à l'administration des mines de cuivre qui déjà à cette époque-là étaient exploitées. Et puis, 4 km² d'une petite ville minière installée au cœur de l'Hindou Kush. On est à 2500 mètres d'altitude et qui a fonctionné pendant plusieurs siècles. C'est très impressionnant. Les photos aériennes de ce site sont absolument invraisemblables. Que sont devenus, en tout cas, les grands bouddhas en terre crue qui étaient sur le site? Sont-ils toujours, par exemple, sur le terrain, Nicolas Engel? Alors, l'Institut d'archéologie afghan, avec la DAFA, puis d'autres partenaires qui se sont intéressés au site, ont tenté de dégager, en fait, de démonter un maximum de peintures murales et de sculptures du site, notamment tout ce qui pouvait être de petit format. Mais c'est vrai qu'il reste là des fragments, enfin des gros fragments, hein, parfois 2 mètres de haut, de sculptures monumentales en terre crue qui sont sur le site. Alors dans des chapelles, certes protégées par des bâches, des superstructures, mais le manque d'entretien actuellement de ce site, le manque de visites, de dépoussiérage, enfin, on parle maintenant de rats qui feraient des trous, de la neige qui pénétrerait à l'intérieur de ces chapelles, risque en fait la dégradation de toutes ces sculptures. 1979-1989, nous voici durant l'occupation soviétique, puis bien sûr, c'est la guerre civile et l'arrivée des talibans en 1996 jusqu'en 2001, et qui reprendront donc bien sûr en 2021. Nombre de sites ont été détruits, comme le site de Hada en 1982. Que va devenir l'archéologie afghane et bien sûr la délégation archéologique française? Vous comptez repartir, Philippe Marquis? La DAFA ne part jamais. Et donc la DAFA reste, c'est un petit peu comme la Légion, si vous voulez. C'est clair que l'histoire de ces 100 dernières années a été faite alors d'ombre et de lumière, ou de, comme l'aurait dit mon collègue Nicolas Engel. Donc il y a eu des moments où on a pu travailler, des moments où on a moins travaillé, des moments où effectivement pendant 20 ans les archéologues de la DAFA se sont tous retrouvés en France à publier, ce qui n'était pas une mauvaise chose, mais aussi pendant 20 ans on essayait de voir comment ils pourraient retourner en Afghanistan. Donc quand on part, quand la DAFA part, ce qui arrive jamais, si je puis dire, eh bien, elle prépare toujours son retour. Et donc, c'est ce qu'on fait. On fait avec des partenaires qui sont des partenaires comme, par exemple, la Fondation Alif, qui continue à financer des programmes, comme d'autres partenaires comme la Fondation Aga Khan pour la culture, qui est toujours sur place et qui nous sert de relais et qui nous permet de faire, en quelque sorte, du travail à distance et de maintenir ce lien. Je crois que il n'y a pas de pire avenir que celui qui n'est pas préparé. Nous, on est en train d'essayer de faire en sorte que cet avenir soit meilleur. À voir donc l'exposition Afghanistan, ombre et légende, qui se tient actuellement au musée Guimet à Paris. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Marie Le Peintre et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.